L'amour au divin, c'est amour, amour védante, c'est recherché, riche et profond, insondable. Amour divin, amour, amour, et en peur, oui, pour moi, pour moi, et Dieu Tout-Puissant, notre Père Céleste, nous nous tenons devant toi en toute humilité pour sanctifier ton nom, pour glorifier ce nom, pour élever ce nom, pour servir ce nom, pour prier en ce nom, pour invoquer ce nom, pour croire à ce nom, car en lui il y a tout. Tout ce qu'il faut, tout ce qu'il y aura, tous nos besoins, c'est en ce nom Jésus-Christ. Et nous approchons de ton corps. Nous venons à ton royaume. Nous approchons de ta puissance. Nous approchons de tes promesses. Pour recevoir la bénédiction, les consolations, les réponses de Dieu, l'édification, le remplissage, la nouvelle naissance, le baptême du Saint-Esprit, la préparation pour la naissance. Tout est en toi. Accueille-nous maintenant, Seigneur. Débarrasse-nous du vieil homme. Et laisse-nous te servir selon la voie que tu as prescrite par la révélation. Visite cette église. Visite chaque âme. Visite chaque esprit. Apporte ton secours, Seigneur. Que les pensées négatives, les sentiments faux, soit broyé au nom de Jésus-Christ, comme Jésus-Christ, que ta grande puissance de la Pentecôte s'empare de nos esprits, nous emporte un esprit au service de Dieu. Pardonne nos péchés, Seigneur. Guéris chaque maladie. Donne la délivrance totale. C'est toi le consolateur. C'est toi notre fontaine. Tu es une source intarissable. Qui d'autre que toi pour nous servir, pour nous écouter, pour nous adorer. Tu es l'unique. Exceptionnel. Bénis la réunion de ce matin. Sois le réconfort pour chacun. Mets l'ennemi en déroute. Les puissances des démons dans la débandade. Car toi, tu es le grand roi. Le vainqueur des vainqueurs. L'invincible Dieu traverse la salle, visite nos âmes, confirme ta parole. Dieu délivre, Tu as fait des promesses pour le temps dans lequel nous vivons. Tu as déjà commencé à les accomplir. Est-ce que notre moisson nourrie des bonnes paroles de Dieu et que toute faiblesse parmi nous soit neutralisée, que ta grande puissance nous fortifie et protège au nom de Jésus-Christ. Nous te prions. Amen. Amen. Nous allons lire la sainte parole de Dieu. Dans sa Bible. Jean chapitre 4, verset 1. Jean 4, verset 1. Jean chapitre 4, verset 1. Jean chapitre 4, verset 1. Bien-aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Corinthiens chapitre 14, verset 32. Les esprits de prophètes sont soumis aux prophètes. Terminons la première lecture dans Luc chapitre 4. Nous voyons à partir du verset 22 jusqu'au verset 24. Et tous lui rendaient témoignage. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Et il disait, n'est-ce pas le fils de Joseph? Jésus leur dit, sans doute vous m'appliquerez ce proverbe, médecin, guéris-toi toi-même. Et vous me direz, fais ici dans ta patrie tout ce que nous avons appris que tu as fait à Capernaum. Mais ajouta-t-il, je voulais dire vérité, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Baloba ki malamu na tina na ye. Mpe bakamwa ki na maloba na ngolu. Mabima ki na monoko na ye. Nde baloba ki ete oyo mwana mayote fete. Aloba ki mpe na bangu ete. Masolo bokoloba na ngaili sese oyo ete monganga. Biki sanzoto na yo penza. Mabima ki kuna na kapela na uma. Salabongo mpe awa mboka na yo. Aloba ki ete, na lobi na bino solo ete mosakoli, mokote, yakirani na mouka na ye penza. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Veuillez vous asseoir au nom de Jésus-Christ. Nous souhaitons au peuple de Dieu la bienvenue à la table du Seigneur. À chacun de vous, délices de la maison de Dieu. Le bonheur de la maison de Dieu, nous souhaitons. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et que cette journée soit une journée merveilleuse sur votre chemin. Et nous croyons sur l'évangile de tout notre cœur, omettant la vérité indiscutable, la vérité infaillible qui demeurera éternellement. J'espère qu'en les disant, je ne suis pas en train de m'isoler de votre croyance. Votre croyance. Que vous et moi, nous croyons la même chose. Si on était dit que nous sommes est-ce que nous sommes le Seigneur de tout notre cœur? Oh, c'est bien vrai. Que ce nom vous fasse du bien. Parce que c'est le nom, le seul nom que nous avons. Le salut. Le mico. La joie. Le bonheur. La paix. les réponses Biyano. Et la providence. Na ona sosengeli. Dieu pourvoit à tous nos besoins. Et nous sommes heureux de vous accueillir au nom de Jésus-Christ pour partager avec vous la parole de vérité. Croyez-vous à la parole de vérité? Est-ce que nous l'avons dans notre temps? Est-ce qu'elle est capable de vous fortifier? De vous rendre fort? Oui. Et même vous rendre la joie que le monde ne sait pas vous donner. Alors nous, dans nos cœurs, nous aimons Jésus. Il a dit que si quelqu'un n'aime pas Jésus-Christ, qu'il soit anathème. Pouvez-vous le dire aussi avec moi? Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit maudit. Mais dites-le, non? Que ce soit un esprit ou un individu. Qu'il soit maudit. Qu'il soit maudit. Amen. Abenga ma démon, esprit malin, qu'il soit maudit. Amen. Abenga mandoki. Ou le malin, c'est lui, le grand tueur, le chef des sorciers, de l'Afrique, le chef de la communauté sorcellerie, qu'il soit maudit. Makambounaye et Beba. Amen. Yaye non se koufa. Amen. Mokote Simba. Amen. Nyangounaye et Beba. Amen. Ça, nous le disons au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu a dit que heureux les débonnaires car ils hériteront la terre. Le Seigneur Jésus dit ça, qui est le sorcier, le féticheur, pour venir nous déranger. Mais vous dites que lui aussi a quelque chose à dire. Toi, tu n'es pas joyeux de l'édit? Que tous ces sorciers, féticheurs, magiciens, maîtres magiciens, qu'ils soient maudits au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous avons un projet va saler, ou le sentiment va l'ingager salement. Et pour fanier, nous sommes ça. Aux âmes à colo terrain. Amen. Bana mokonzi baye na terre na bango. Amen. Yesu alobaki ke esika babale to basato bayangani na kombo na ngai nazali elongo na bango. Amen. Amen. Amen. Mais partout où les enfants de Dieu s'y rassemblent, montrez-moi où est-ce que le diable n'envoie pas les siens aussi. Bon, là, qui s'en a, mais c'est quand le diable a dit, n'est-ce pas? Pour boulissa niawa, pour saliba jeune, pour qu'il y ait, bah, ouya, y'a, on a fait bagoya. Ils ne sont pas invités, mais ils sont des indisciplinés, des esprits insoumis, rebelles. Bon, bagoko y'a na bango, tu y'a bigé si bayaki, de ton lobby, hein? Bala que la mandé ma bé. Amen. Donc, basalawa, bino ba démon, bozala la bino wana, po bo yoka madame kolo ba la bino. Amen. Bo yoka en direct, face à face. Amen. To lobi na bino, na koma de Jésus-Christ, bala que la ma bé. Amen. Amen. Amen. Amen. Alors, il faut bala pa, ba y'a le souci. Amen. Faut ba y'a le souci. Faut ba y'a le souci. On a, ba y'a mourir de ce place wana. Mais le gol ba yoka la bé. Ah, frère Wana, de Kuna, frère Wana. Mais vraiment, tout ça n'a pas cause à vous. Tout là c'est malade. Tout là c'est envoûtement. Tout ça c'est blocage. Mais pourquoi je vais Kuna? Bon, Boya, Boya. Boya, Boufan. Parce qu'il est écrit, c'est la parole de Dieu. La sorcellerie ne peut rien contre Israël. Ni l'enchantement contre Jacob. Autant marqué. Il sera dit à Israël et à Jacob. C'est l'œuvre de Dieu. Nous sommes dans notre temps, dans notre terrain. Et le nom du Seigneur, notre bouclier, soit béni. Le nom de Jésus a dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Il a envoyé ce bouclier. Il a vu le diable agité, tous les démons agités. Il voulait attaquer, il voulait les politiques, il voulait les contenir. Et puis il voit Satan descendre comme un éclair. Mais voici, je vous ai donné le pouvoir de saisir les serpents. Ici au tabernacle de chrétiens, nous saisissons les serpents. Mais bon, attends, vous avez dit que vous avez dit que vous un serpent volant. Tokoban le côté. Abimalikolo. Assemble dans ma belle. A quoi ça va s'arranger? Tokoban le côté, tosi magabanyoga. Amen. Yopo ni mibongo. Amen. Amen. Aie la foi dans le nom du Seigneur. Nous ne sommes pas les manipulateurs des serpents. Mais il parle l'autorité de la parole. C'est-à-dire le venin, même s'il peut nous mordre, le venin ne nous fera rien du tout. Et que ça la dit sur l'autre mon côté. Toi ne regarde pas l'apparence. Regarde la promesse que Dieu t'a faite. Allah et la côte à ma salle. Rien plus que vainqueur. Je vous ai donné le pouvoir de saisir les serpents. De marcher sur les scorpions. De marcher sur le tout de la puissance de Satan. Rien n'est prêt pour nous. Luc 10, verset 18. Rien ne peut pour lui. Et là, comme vous avez dit, rien ne peut de mon côté. As-tu confiance? Oh, lorsqu'un jour un sorcier est venu faire cette petite démonstration près de chez moi, quand j'habitais le camp, on a craqué ça, puis il y avait aussi des serpents. Il a sorti trois serpents qui marchait comme dans la Trinité, comme ça. Un pour le temps, et puis deux comme ça. C'est comme les doigts ici. L'un pour le long, qui était au milieu. Des gardes du corps. Vers 10h du matin, nous avions la foi. Nous en avons dit, nous qui bini, ils ont tambour, dans la misa, ils louaient, ils ont débat, ils parlent au pied, ils ont ça la démonstration. J'étais calme. J'ai tourné les yeux. Hein? Comme le Seigneur quand il cherchait qui l'avait touché. On était qu'un homme. Il y avait des gens. Toi, prends les balais. Qui nous sert ces bons ici? Quelqu'un a réglé derrière. C'est toi, Zende. Qui sait ce que c'est? Il y a des gens qui sont morts. Alors, il commence à tourner. Toi, yo, président. Prends ce serpent ici. Il commence à retourner. Alors, pendant ce temps, il venait, il met du tombeau, il balouquait. Non, les uns voulaient fuir, les autres voulaient fuir. Mais là, il ne vient pas, il ne vient pas. Toi, il puis il tourne, il met le même Dieu en bas comme ça. Alors, les serpents ont pris la fuite. Ils sont allés comme vers le mur de Moussa. Voyez, comme là où il y a ce carrelé, c'est fermé. Ils sont entrés. Si on m'a dit, nous, quand on a gâché ma banga, en plein jour, et là, une autre thèse, je vous parle de les trois, ils sont entrés comme ça. Pendant qu'il y avait du béton. Béton, il s'est à côté d'un béton, à 10h du matin. Frère, quand vous avez Dieu, vous ne craindrez pas les tours de magie et les tours de sorcellerie. Mais tu dois savoir en qui tu as cru. Ils peuvent chercher à te ridiculiser. pour voir si tu as l'esprit de Dieu. Nous ne sommes pas dans le livre de Saint-Esprit. Mais crois à l'existence du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas émis. Il est une réalité. Il est une autorité. Il est une puissance. Alléluia. Suprême. Il vous délivrera. À ce cas. Alors, le gars, voyant qu'il a perdu la bataille, il a jeté son balai. Même les mandats, ce qu'il était venu chercher, parce qu'il avait balayé et sarclé un peu pour être prié. Il a eu les troubles, il a fui. Et on lui a rien donné. J'ai dit aux autres petits qui attendez, parce qu'il en est arrivé à ce niveau. Un de ces jours, on va hurler sur lui. Vous verrez. Il est à la base de certains défis ici dans les camps. Ils sont responsables de certains défis que vous ne comprenez pas ici. Gardez silence. Vous avez fait ça plus longtemps. Et alors, à peu près deux mois après, on est venu m'appeler par le chef du camp. J'ai envoyé quelqu'un. Appelez le président David là. Qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, oh non mais, vous voyez le petit là dont vous avez parlé l'autre jour. Il est en train de courir dans tous les sens, prêt à attraper la folie. Maintenant le chef du camp, quel est son problème? Non, c'est il dit, non, venez, parce que vous êtes la seule personne qui pouvait l'aider. J'ai dit au chef de camp de faire son travail. Je ne suis pas le chef de camp. Je suis un habitant du camp. Dites-lui de faire son travail. Et qu'il ne me mêle pas dans ces choses-là. Mais il a insisté, il a dit, ce garçon-là va mourir. J'ai dit, je vous avais dit d'en parler partout. C'est votre affaire. Je ne suis pas parti. Le gars a couru là-bas, il s'est barré. Qu'est-ce qu'ils avaient fait? Ils ont sacrifié un homme. Et ils ont tiré des dividendes. Et maintenant, son tour, quand il s'était venu, pour que lui aussi donne, c'était lui qui l'aimait à Bondoki. Il n'arrivait pas à donner son grand frère. Parce que son grand frère était protégé par le nom de Jésus. Et moi, j'invoquais dans sa maison. Chaque samedi soir, je partais là-bas. Je me protégeais sur le nom de prière. Pour nous réchauffer entre frères. On lisait le passage biblique. On chantait les cantiques. On priait dans sa maison. Et cela a protégé cet homme. Le petit frère n'arrivait pas à sacrifier son grand frère. Maintenant il savait que c'était ça. Je ne suis pas l'un de vos sorciers. Je ne viendrai pas me mêler dans vos histoires. Alors, Bake Kuna, garçon wana aïkozo malade, akoufa. Frère, Bamega Mari Munazamete. Amen. Au salim balali bosso, Zama toléré. Après si autant on s'est répandu. Au lingo yogate. Ouais, on me gagne sous. Ouais, on me gagne sous. Mais mon collègue, il vous a frappé. C'est vrai. Le Saint-Esprit n'est pas un mythe, il est une réalité. Il a été promis comme conducteur de l'église. Et il est dans cette église. Moi, je vous parle souvent comme ça. Mais les conséquences viendront. Quand je vous avais dit que les baptêmes d'eau, c'est un combat. Mais un jour, vous l'avez vécu à la rivière Ndili. C'est devenu réalité. Frère, Dieu existe. Les démons aussi existent. Mais je ne suis pas un croyant des démons. Mais je suis un croyant du Seigneur Jésus-Christ. Je ne suis pas un croyant de Satan. Je suis un croyant en Dieu. Le Dieu de la Bible ici. Que Dieu te garde. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te manifeste. stationnement et ses faveurs multipliées. Je le réclame au nom de Jésus-Christ. Tout celui qui croit l'évangile, je n'ai pas honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Tu crois et tu mourras la gloire de Dieu. C'est la vérité, frère. Nous ne sommes pas venus parce que nous manquons à faire. Nous ne sommes pas venus pour perdre le temps. Nous sommes venus pour servir le Dieu. Pour écouter sa parole. Jouir de ses miracles. Jouir de sa puissance. Jouir de ses biens. Jouir de ses promesses. Jouir de l'évangile. Car Dieu a dit, le peuple se rassasiera de mes biens. Il est Dieu riche en hiver. Est-ce que vous dites amen d'un cœur joyeux? Amen. Que toute présence des démons soit maudite. La présence des sorciers, soyez maudits. Vous n'avez qu'un choix, repentez-vous. Déposez les armes contre le Seigneur. Dans cette confrontation, vous n'aurez jamais gain de cause. Dans la bataille contre le Saint-Esprit, aucun aucune maladie n'aura gain de cause. Aucun péché n'aura gain de cause. On vous offre quel choix. Déposez les armes. Rangez-vous de notre côté. Jésus-Christ est le plus fort. C'est Amen. Amen. Est-ce que vous aimez le Seigneur? Il est le Dieu des esprits des prophètes. Les esprits des prophètes sont des esprits de discernement. Ce sont des esprits de révélation qui marchent par l'inspiration. Et ils sont surprenants. Hein, vous n'allez pas leur donner une forme statique comme cela. Il est prenant. Il utilise ces canaux-là. C'est vrai. Notre sujet, c'est comment éprouver un ministère de la parole. Depuis vendredi, nous avons pour penser de méditation discerné l'esprit prophétique. C'est lui qui monte dans la révélation et qui vit sous l'inspiration. Il faut discerner ça. Si Dieu ne vous fait pas cette grâce, vous n'allez pas savoir. Va opérer et vous serez en train d'étatonner. Mais la grâce de Dieu est une réalité. C'est une réalité. Regardez ce qui s'est passé là. Ce que nous avons lu dans la Bible. Le Seigneur est allé à Nazareth. Dans Luc chapitre 4. Et là, il a dit quelque chose. Il est entré dans la synagogue selon sa coutume. Luc 4, verset 16. Et il s'est rendu à Nazareth où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat et il s'éleva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Isaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il est écrit: l'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Et il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Et aux aveugles le recouvrement de la vie. Pour renvoyer libre les opprimés. Et pour publier une année de grâce du Seigneur. Laissez-moi vous en pose que ces choses, toutes ces choses et chacune d'elles, le Seigneur Jésus les accomplit encore maintenant. Le Saint-Esprit n'est pas un mythe, il est une réalité. L'évangile de Dieu n'est pas une fiction c'est une réalité. Il y a des croyants qui disent amen. Ne me dérangez pas par votre silence. Ça c'est pire. On lit la parole et vous commencez à déranger le prédicateur par votre silence. Dérangeur dans l'église. Dérangeur. Nous sommes ici pour communier avec l'Esprit. J'ai dit que toutes ces choses et chacune d'elles, le Seigneur Dieu est vivant et il est le même pour le peuple. Maintenant, si tu es dans un cas ou dans un autre, crois de tout ton cœur qu'il est ici pour toi, pour confirmer la même parole. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Le même qui avait un Jésus-Christ de Nazareth, il est sur le tabernacle des chrétiens. Et loin dans le même but. Il vous a oint pour vous amener au même résultat. N'élisez pas la Bible comme un journal historique. N'élisez la comme une vérité présente. Pour devenir témoin de Jésus-Christ. Car l'esprit de prophétie, c'est le témoignage de Jésus-Christ. Ça marche de pair. Si vous portez le témoignage de Jésus-Christ, vous portez par là l'esprit de prophétie. Vous annoncerez des choses que Dieu fera pour vous. Alors que vous n'avez encore pas le point aucune idée. C'est l'esprit de foi chrétienne. Soyez convaincus que Dieu vous honorera. Sachez qu'il ne faillira jamais. Il honore toujours la foi de ceux qui croient. Gardez votre témoignage. Il ne vous pénétrera pas. Il est écrit dans la Bible que l'honneur c'est pour vous qui croyez. C'est pour Jésus. Si vous me voyez comme bizarre, si Dieu veut que ça aille de cette manière, que ça aille de cette manière. Avançons. Écoutez. Amen. Et Yami et Yokani. Amen. Tokini Bongo. Dieu veut faire quelque chose. Amen. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint. Pour annoncer une bonne volonté. La pauvreté ne doit pas devenir un embauchement. Pour servir et adorer Dieu. Ça ne peut pas devenir un prétexte. Pour ouvrir l'église. Dieu avec ta pauvreté. Jésus-Christ peut tout changer. Jésus-Christ peut tout changer. Il est l'auteur d'une joie ineffable. Il donne la joie aux opprimés. Aux misérables de la terre. Car lui se trouve la vraie consolation. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Les choses que nous proclamons sont de bonnes nouvelles. Tu entends une tombe, une autre tombe. Une autre bonne nouvelle tombe. Une autre s'ajoute que tu es qui vient de l'étoile. Ok. Pour annoncer une bonne nouvelle pour vous. Et ça se fait actuellement. Et ils m'ont envoyé. Il y a aussi une commission à cet endroit. Il m'a envoyé. Le même qui a envoyé Jésus-Christ a placé aussi une commission pour votre appel. Il y a un envoi de Dieu parmi nous. Pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Tout homme que Dieu a envoyé prêcher l'évangile a aussi été envoyé pour prier pour les malades. Comment la parole? Là où la prédication de l'évangile s'opère, je suis que le Père de la maladie a une guérison. Et donc, on nous se fait dans le vie qu'on a en ne regardez pas la vieillesse de la maladie. Je fais la paix, ne regardez pas la réputation. Attendez que nous sachions que Dieu a une fin pour tous. Il y a un arbitre suprême. Quelles que soient les douleurs et les souffrances, les déformations et les afflictions, les maladies et les symptômes, beaucoup d'attaques de mourir. C'est le grand médecin. Maladie des jeunes gens. Maladie des adultes. Maladie de vieillesse. Vous pouvez guérir tout. Dame avec sa cagnotte. Crois en lui, c'est le seul pouvoir comme ça. Dieu guérit toute maladie. Il y a des malades qui s'ignorent malades. C'est un Dieu qui sait tout. Et il connaît où se cache ton mal. Et le plus grand avantage, c'est la meilleure bonne nouvelle, c'est qu'il a solution à toute maladie. Je suis l'éternel qui t'apporte la guérison. La famille Yahweh, c'est comme le melon au bico. Ne bannez pas des maladies incurables. Ni vos enfants, beaucoup de gens qui sont bacatés. Même les maladies chroniques peuvent disparaître en deux secondes. Beaucoup de gens, vous voulez dire que vous avez le souffle de la bouche de Dieu. Peut-être que vous avez la parole d'anéantir l'ennemi. Et ça, c'est un petit peu comme ça. Vous avez la chance à te mériter. Attaque la virulence. Attaque la méchanceté. Attaque en panaïe. La tétricité. Attaque tout le casque. Qui est-il pour moi? Dieu Salima, qui est-il toi? Dieu Salima, qui est-il toi de ma vie? Dieu Salima, nous bossons les lois maladies. Quel est-il et elle? Qui est-il toi? Dieu est le vainqueur de la mort. Bande, il est le vainqueur de toutes choses. Il est le vainqueur de tous les symptômes. Il a dit le moment. Il est plus que vainqueur. Le tout-puissant conquérant. L'obsession, le cœur brisé. Bon, papa, nous sommes tout à l'heure. Recevez votre guérison. Voyons ma. Le but, c'est que cette parole vous guérisse déjà. Il est bon, le ami qui s'est dit non. Il dit, n'attends pas la fin de la prédication. Contre la terre, souk à une terre. Amen. Qui va clôturer la prédication. Voyez, nous sommes dans le dessus du ciel. Il y a le Saint-Esprit qui parle encore maintenant. Avez-vous dit, nous sommes dans le Saint-Esprit qui tient l'œuvre de Dieu. Pourquoi est-ce que nous sommes dans le la promesse qu'il a donnée. Après son sacrifice en Golgotha. Mon serviteur juste verra une postérité. Et le parole sera bien jour. Et l'œuvre de l'éternel prospérera entre ses mains. Et pour que de l'émotion, la guérison soit prospérée. Le but de ce guéri est que de l'émotion. La guérison divine doit prospérer. Le but que nous devons prendre c'est l'œuvre de Dieu. Qui guérit toute maladie. Toute faiblesse. Toute puissance. Même la paralysie. Attaque au concours. Même la cécité. Attaque au même la surdité. Attaque au même le mot de terre. Attaque tout passe. Même le mot de gauche. Attaque au congo passe. Les hémorroïdes. Attaque au hémorroïde. Le diabète. Attaque à tête. La malaria, la tuberculose, le coronavirus, l'arthrite, l'arthrose, il guérit tout ça. Il y a plus que ça que chez moi. Que votre foi discerne l'esprit de prophétie. Et proclame la victoire. Par l'esprit de prophétie. Témoigne des merveilles de Dieu. Oh, on l'a entendu mercredi, je le louerai encore. Toi aussi, tu le loueras encore. Ton Dieu fera encore des choses. Qui t'amèneront à les louer. Dieu qui te fait souffrir. Il n'est pas plus fort que Jésus qui t'est. Ce qui tourmente ton esprit. Qui affiche ton cœur. Aïe foi en Dieu. Quand la foi possède le sang prophétique de la victoire. La foi possède l'élan prophétique de la victoire. La foi peut annoncer la victoire dans le combat. David de Goliath, il a annoncé que je te battrai et je te tuerai et je te couperai la tête. Il n'avait rien à main pour couper cette tête de Goliath. Il n'avait aucun exercice physique sur lequel compter. Et pas il va affronter un gaillard comme celui-là. Je vais vous donner des armes en dessous dont le corps avait des empreintes de victoire glanée. Mais il a dit, je te couperai la tête et je la donnerai comme nourriture au chien. La foi. La foi. Confrontation est bannie dans nous. Mais à chaque fois, et Dieu a honoré sa foi. Si tu approches de la même manière, c'est quoi de infini, qui ne commet pas d'erreur, de faute, qui n'apprend rien de nouveau, il sait tout. Ce qu'il a fait pour David, il peut le faire pour toi. Honorer ton témoignage. Honorer ta foi. C'est donner raison. Je fais ton nom. Face à ses adversaires. Il peut le faire. Il l'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Est-ce qu'il y en a parmi nous? Manifestez-vous. Le cœur brisé. Pour ceci, pour cela. Boukanina motema pasi. Oui, biata, dernier nous exprimer douleur à moté. Namalobani le colombe langozo kokate. On le dit, oh, zambe kakande à kososola. Mokeli nangaine à kososola. Nini n'a so ressenti de la casse. Mais c'est Mokeli là qui t'a vu. Assure-moi, il t'apporte la guérison. Avec le voyez guéri. Amen. Dis qui ça là. Dans l'air de crèche, il crie à l'Éternel. L'Éternel envoya sa parole. Il va donner pour les guéris. Il a dit qu'il s'en est. Il est même ici parmi nous. Avec le nom de mon colocaire 4 ans. Tu es guéri. Amen. Amen. Amen. Même si tu ne fais rien, tu es guéri. Attends, je dis que l'on peut pas, tu salues. Même si tu ne vois rien, tu es guéri. Attends, comme on est là, côté. On dit tout salues. Le juste ne dit pas parce qu'il voit. Rien que le il ne dit pas parce qu'il sent. Attends, on va dire que le juste ne dit pas parce qu'il croit. Voyez que l'on est. Nima. Croisez au monde. Nima. L'esprit de prophétie. Mon livre est sacré. Il fait des choses parmi vous. Perfectez ça. Prenez conscience. Et devenez témoin. Soyez bénéficiaire. Ramenez témoignage. Et Dieu honorera votre parole. Ceux qui ont le cœur brisé, Dieu l'a fait. Au tabernacle de chrétien matin. La fête. Ton incrédulité n'arrêtera pas Dieu. La guérison divine doit prospérer. L'incrédulité doit prospérer. Au nom de Jésus-Christ, le grand maître qui la tient. Verset 9. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Le captif est une captivé, capturé par quelque chose, par un esprit, par des puissances, par des forces obscures qui bloquent. Et voit d'une manière ou d'une autre. Quand tu essayes d'avancer, vous dites que tu es le premier. Tu reviens encore à la case de départ. Et tu ne comprends pas comment tu n'arrives pas. Vous témoignez la guérison, vous devez rentrer encore. Parce que tu dois reprendre la bataille. Oh, ce sont des forces obscures. C'est la manière de faire des œuvres des ténèbres, des esprits ténébreux. Écoutez, Jésus donne la délivrance. Ce genre de cercle vicieux. Et cette marche en cercle indien. Jésus donne la délivrance. Il peut sortir quelqu'un d'une spirale et le mettre parmi les libérés. Les gens les plus libres qui soient. Bon, tu es l'un d'eux. La parole est dit à toi de croire ou d'hésiter. Mais le pouvoir que le Seigneur a donné là, tout cas, tout le monde n'a pas si pouvoir à moi, je ne pas. Il a donné le pouvoir. Il a dit, rien ne peut voler. Même pas l'esprit de captivité. Et aux aveugles, le recouvrement, c'est la vue. La même foi qui te permet de guérir de la fièvre. Elle rétablira les troubles de vue. Dieu opère des miracles par la foi. Rien n'est impossible à celui qui croit. Même le recouvrement de sa vue. La même foi. C'est nous qui nous habituons à nos afflictions. Nous les tolérons et nous commençons à les trouver longs. Et pourtant le Seigneur a dit, voici le signe qui accompagne moi ce que l'on crée. À mon nom, ils chasseront les démons. Les démons te tourmentent et toi tu te lèves. Oh mon ami, boutez les démons. Amen. Aux aveugles, le recouvrement de la vie. Pour renvoyer libre les opprimés. Et pour publier une année de grâce du Seigneur. L'année de jubilé. Amen. Tout esclavage est fini. Amen. C'est fini. Tu ne peux plus être esclave de personne ni de rien. L'évangile t'annonce l'année de grâce. Dans l'année de grâce, on sonne une trompette. Et tout esclave, dès qu'il entend le son de la trompette, vous ne pouvez même plus demander la permission de se mettre à courber. Il n'a pas ce temps-là. La trompette est plus forte que la voix du maître d'esclavage. Témoigne la victoire. Tu verras la gloire de Dieu. Les bénédictions s'arrachent. La guérison s'arrache. La délivrance s'arrache. La liberté s'arrache. Si tu tolères ces choses-là, tu vas continuer à vivre avec pendant. Mais que toi-même tu as choisi de tolérer. Le Christ t'annonce la liberté. Comment vous allez contacter le de la trompette de l'évangile. L'esclavage est fini. Les Amen. Ton rédempteur a payé tout le prix. Il n'est plus redevable ni à la chair, ni à aucun démon, ni à Satan, ni à son royaume. Il n'a rien à payer. Jésus a tout payé. Amen. Amen. Amen. C'est vrai. Il a tout payé. A tout qui nous. Tout payé, tout payé. A tout qui nous. Il a satisfait d'abord Dieu. A satisfait dans nous. Dambé. Dieu lui-même n'a plus rien à réclamer. Dambé. Le prix qu'il réclamait du fichier. C'est le prix du sang que Jésus a payé. Et allez vous tuer parce qu'il a eu sa foutre à Jésus. Il a dépouillé Satan. Nassima. Aïe, qu'on se fait tous les arguments. Non, mais la manière. De toutes ses armes. Non, de toutes ses cartouches. Non, mais de toutes ses raisons. Non, mais de toutes ses prétextes. Non, nous savons. Jésus l'a dépouillé son prétexte. À qui le Seigneur à ce que tu crois à Dieu. Il n'y a rien que Satan peut utiliser pour cette nuit. Et ça, c'est l'autre que vous avez fait la pour la couverture du Seigneur. Dis amen. Amen. Il n'y a rien. Et l'autre côté, crois-moi, il n'y a rien. Tu vas te faire la il y a l'autre que vous avez fait la pour la nuit. Pour la nuit, il y a rien. Il n'y a rien. Satan est un beau rien. Jésus-Christ est l'auteur du bonheur. J'ai un Dieu vivant. Soyez fiers de lui. Lui peut tout. Et Satan ne peut pas vous nuire. Satan a voulu que vous il peut accuser. Mais ça dépendra du souverain juge. Si vous donnez suite ou non à cette accusation-là, il a son temps perdu avec des accusations de nos frères. Mais il n'est pas le juge final. Il n'a pas le dernier mot. Il est une créature. Il n'est pas lui-même du créateur. Pour toi, Dieu est pour toi. Nous prêchons l'évangile simple. Ne cherchez pas des choses compliquées. Priez une foi simple dans ces choses. Et sachez qu'un pas est en train de se franchir. Toujours dans la simplicité ici. Dieu est en train de se franchir un pas. Amen. Non pas en arrière, mais en avant. Amen. Amen. Nanda ko ya tata na yo nyon se zali. Amen. C'est vrai. Nous devons te les rappeler. Et quand tu seras joyeux, Dieu pensera aussi à moi. Amen. Ngai moumbu ya pamba. Amen. Kota la bambe banangaite, bolebu nangaite. Yeba ete oeto sakoli maloba na yawe. Amen. Je ne suis pas l'auteur de ces paroles. Je ne suis pas l'auteur du message. Je ne suis pas l'auteur de l'évangile. Je ne suis qu'un prédicateur. Mon devoir, c'est de répéter ce qu'il a dit. Mon devoir, c'est de croire tout ce qu'il a dit. Et les choses impossibles. On m'a dit notre bien, mes frères Branham. Les choses impossibles. C'est bien possible. Quand on prend Dieu au mot, vous franchirez les grandes montagnes. Vous atteindrez des sommets incroyables. Tout sera impossible. Nous serons compétents. Vous prenez Dieu au mot par la foi. Quel que soit le nombre de combats, entrez Dieu au positif. Bénis vous tranquille. Sachez qu'il est Dieu. Infaillible. Votre soutien n'est pas incertain. Mais soumis dans vos Ça peut désorienter la prédication, ça. Est-ce que ce corps, un corps corruptible, mortel, mais il y a un autre corps. J'en parle comme vrai témoin. Ah, juste comme un lecteur zélé de la Bible. Comme un témoin des choses invisibles. Ce que la Bible décrit ici existe dans l'au-delà. Oh oui. Il y a un corps parfait qui ne connaît pas ce genre de choses. Alors, je n'ai pas honte de l'évangile. Non. Je ne peux pas en avoir honte. Après, comme ça, il y a notre complété. Ton ami, au Kamabé. Ce sont de riches bénédictions que Dieu nous donne. Là, ben, si vous prenez un peu de malheur, ça va être complété à des choses. Et toi, ne sois même pas dérangé par ça. Non, au moins, on va mettre le feu. Ah, bon, on va te dire, on a cher, on a. On a salé la chair, on a. Ce dont nous parlons est plus glorieux que cette petite histoire. Oh, vous savez comment ça. Et là, qui le coup, vous voulez vraiment savoir le Dieu. L'année de grâce est publiée. La trompette de l'évangile sonne. Que le nom de la trompette entend le son de la trompette. Sors de ta captivité. Sors de tout esclavage. Sors de toute forme de peur. Nous marchons avec assurance. Nous qui devons porter l'espérance. Vous ne pouvez pas voir. Oui, il y a toujours Yemba. Malgré ma voix, Mingo le voit la Magorodo, mais tu y es mis la vérité de la foi. Amen. Nous marchons avec assurance, nous qui devons porter l'espoir. En ce monde vaine, tout est résistant, Jésus-Christ sera avec toi. Quand j'allais, accordez-moi, nous sommes des tombes, mais les canabas, sous son colon satana, à cause à la pamba. Jésus-Christ a fait victoire. Elenda. Quand Jésus a déjà vaincu, Jésus reste à Londres. Il vaincra à nouveau. À Colombe, il vaincra encore et toujours. À Colombe, il se soupète en nous. As-tu confiance en lui? Oh, c'est là maintenant. Oh, Jésus. Oh, Jésus. Et il a poursuivi. Amen. Pour dire au verset 24. Vous n'avez pas encore un bon mot. Tout le monde a dit. Je vous le dis en vérité, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Dans sa patrie, aucun prophète n'est bien reçu. L'accueil digne de ce nom. L'accueil que mérite la fonction de ce nom. Aucun prophète ne l'aura dans sa vie. Ça peut être ailleurs. Mais il faut discerner. Discerner ce qu'il y a. Regardez bien. La date du 6 avril, en République démocratique du Congo, Congo est sur le point de devenir une date un jour chômé. Et pourquoi? Parce que c'est le jour où Simon Kimbangu avait commencé son ministère. Et là-dedans, il voulait au fait la libération du peuple noir. Et il luttait pour la fin de la colonisation. Simon Kimbangu. Il a commencé son travail le 16 avril 1921. Sous des rameaux là-bas où il tenait la petite réunion. Et l'esprit, il avait donné une certaine prophétie d'une certaine façon. Alors le Conseil national du travail venait de finir sa session. en accord avec quelque chose que le président de la République avait promis aux Kimbangistes en Kamba là-bas. Suivant la procédure, le conseil a tenu et il a adopté déjà. Tout ce qui reste, c'est que le président prenne une ordonnance pour déclarer la journée du 6 avril sommet et pays. Bien-aimé. 6 avril, c'est la date de naissance de William Branham. Mais ça deviendra une journée chômée payée en République démocratique du Congo. Pays sur lequel il avait annoncé que là, au Congo belge, il y a un nombreux peuples qui pourraient rester sous le soleil pour écouter ce message. Amen. Alléluia. Et cette prévision s'est réalisée dans les effectifs de croyants à travers le monde. C'est le Congo qui bat les records. Le message est honoré au Congo. Et même la bibliothèque la voit dessus. Et l'envoie le plus grand nombre de brochures. Pour tous les pays francophones, c'est la RDC qui mène le peloton. Et maintenant la date de la naissance du prophète. Ça s'est eu deviendra bientôt officiellement. Et une journée sommet est payée. Quand cela arrivera, moi je ne verrai pas les Kimbangistes. Mais je verrai mon prophète Branham. Sur la terre de mes ancêtres. Le Mokka, il y a ici ce n'est pas sa patrie, mais sa date de naissance sera honorée. Mais là dans sa patrie, il est ignoré. D'abord, ce sont des blocs d'incrédules, ce sont des idolâtres qui adorent Branham, tous ce sont des incrédules. Mais au Congo belge, cassez le Congo belge. Il y a un peuple là. Et ça ne lui va pas mourir. L'amour de la vérité. On va s'en aller. Bon, il va rester sous le soleil. Bah, vous voyez, parce qu'elle ne s'en va. Dans les semaines et les semaines. Le poste de la se plaindre. Parce qu'on est là. Il est prêt à se mouiller de pluie. La copie qu'on est fait l'amour. Pour soutenir le message. Pour la copie Amen. Amen. Alléluia. Branham voulait prêcher ici. Mais il est arrivé jusqu'au Tanganyika. À comment qu'il est Tanganyika? Au Rwanda, au Rumbi. Mais le Belge ont fait barrière. L'esprit catholique. Mon limo, il y avait un mouvement. Il avait foulé. Sauf qu'il n'a pas dit l'Afrique du Sud aurait été écrasée. Ça aurait été insignifiant. Je vous dis la vérité. Au Congo ici, avec la nature que Dieu nous a donnée, je vous dis que les miracles où on a remporté 30 000. On a amené des camions et des camions. Ni touka, ni touka. Qui avaient des civières. Et des béquilles. Des civières, les chars et des malades. Des camions et des camions. Ni touka, ni touka. Ça pouvait être des wagons et des wagons. Le nombre de miracles accomplis par la parole proclamée. Sans imposition des mains. Juste l'évangile prêché comme le prêche ici. Mais les gens disposés à croire au nom. Croire sans condition. Le Saint-Esprit qui est dans la parole. Tracé les dérives des milliers de gens. C'est ça le message de notre cœur. Vous voyez que la parole guérisse toute maladie. Ne dépendez pas que de l'imposition des mains. Ne dépendez pas de l'imposition des mains. Par le nom de Dieu. Est-ce que vous dites que guérison. Arrachez ça. Ne permettez plus à l'ennemi de vous tromper. Je suis déclaré guéri.